Extrait du Voyage en Orient, par Monsieur de la Roère, édition de Bécourt 1836. Chapitre 20, Bethléem. La peste sévissait avec trop de violence à Bethléem pour le visiter. Nous voulûmes au moins le voir de loin. Nous en prîmes le chemin, et partant le 23 de Jérusalem, au bout de peu de temps nous arrivâmes à la fontaine des rois. Cette fontaine, renfermée dans un puits, se trouve sur le chemin. C'est à cet endroit que les mages, allant adorer le Christ nouveau-né, revirent l'étoile qui les avait guidés dans leur route et qui avait disparu quand ils entrèrent dans la ville d'Hérode. Plus loin est le couvent de Saint-Élie, occupé par les Grecs. Vis-à-vis de sa porte d'entrée est l'olivier sous lequel dormait le prophète quand l'ange vint le nourrir et l'avertit de partir pour le mont Horeb. Ce couvent est situé sur une hauteur d'où nous aperçûmes Bethléem. C'était tout ce que nous devions voir cette fois. Si un autre voyage n'avait pas dû nous y ramener, nous n'eussions pas pu, quoique venus de si loin, contempler en détail le berceau du Sauveur. Nous retournâmes à Saint-Jean, où les pères nous reçurent de nouveau avec leur même bienveillance. Quelques mois plus tard, nous nous retrouvâmes sur cette même hauteur, près du couvent de Saint-Élie, et continuant notre chemin, nous laissâmes à droite le tombeau de Rachel, et Rama, où Rachel pleurait ses enfants et ne voulut pas être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Combien ce souvenir était touchant pour nous! À nos côtés était une autre Rachel qui pleurait aussi ses enfants et ne voulait pas être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Ainsi toujours même monde et même douleur. Bethléem nous attendait, et le lieu où le Sauveur commença à vivre et à souffrir fixait toutes nos pensées. On aperçoit le village incliné sur la montagne, et dans la partie basse une très grande enceinte qui renferme trois couvents et une église. Les Latins, les Grecs et les Arméniens habitent et desservent ces lieux. On entre dans le couvent latin par l'église. Cette église a cinq nefs, soutenues par 48 colonnes de marbre, chacune d'un seul bloc. Celle du milieu, très élevée, est terminée par une belle charpente en bois de cèdre, d'autant plus remarquable que dans toute la Palestine il n'existait pas de bois de construction. Les nefs latérales sont basses et sombres, car toute l'église ne reçoit de lumière que par la nef du milieu. Le chœur est séparé du corps de l'église par une nef transversale qui forme la croix. Maintenant une cloison sépare aussi ces deux parties. Le chœur seul est consacré à l'office divin. Le reste de l'église sert en quelque sorte de vestibule aux différents couvents. Au-dessous du chœur est l'étable. Nous y descendîmes par un couloir étroit et sombre. Nous vîmes un petit autel à l'endroit de la naissance, et vis-à-vis, dans la même grotte, un autre autel où fut la crèche. Ici, comme au tombeau, tout est couvert de marbre, et pour la même raison, très près de là, mais hors de la grotte, est l'autel de Saint-Joseph, où se tenait celui qui servit de père au Christ, quand celui-ci naquit au monde. Dans ce même couloir, qui conduit à l'étable, sont les entrées des grottes où sont les tombeaux de Saint Eusèbe, évêque et martyr, de Saint Eustochie et de Saint Paul, dames romaines, qui quittèrent le luxe et la richesse pour vivre pauvres et humiliés à côté du lieu où était né le modèle de la pauvreté et de l'humilité. Une autre grotte servait de lieu de retraite à Saint Jérôme, pour composer et écrire ces livres qui font encore aujourd'hui une des gloires de la chrétienté. Enfin, on nous montra aussi le puits scellé qui contient les corps des saints innocents, ces pauvres enfants qui moururent les premiers pour la cause du Christ. Nous parcourûmes tous ces lieux à la clarté mystérieuse des flambeaux. Le jour ne pénètre plus dans cette étable qui était exposée au vent, où furent appelés en même temps, pour adorer le roi nouveau-né, les petits et les grands, dans les personnes des bergers et des mages. Dès sa première apparition dans ce monde, le Sauveur ne fait plus de distinction de rang, il se montre à tous avec le même empressement et le même amour. Que d'avenir dans ce berceau! Nous sortîmes de l'église et du village pour aller visiter une autre grotte, où, selon la tradition, la Vierge est restée quelque temps avant son départ de Bethléem, d'où nous vîmes, vers le sud, la vallée dans laquelle les bergers paissaient leurs troupeaux quand les anges vinrent leur annoncer la naissance du Seigneur. Cette vallée est sans arbres, et les montagnes environnantes s'y perdent par des pentes très douces. Nous nous dirigeâmes ensuite vers l'Hortus Ebn Lazus du Cantique des Cantiques. À la distance d'une lieue, 4,8 km, au sud, au milieu de ces montagnes sans verdure, nous découvrîmes tout à coup un vallon très agréable, bien cultivé et bien arrosé, un véritable lieu de délices. Nous remontâmes ce vallon d'une de ses extrémités à l'autre. Nous y découvrîmes trois réservoirs, en partie taillés dans le roc, et en partie maçonnés. Le réservoir le plus bas à 220 pas de long sur 90 de large. Celui du milieu, 200 pas de long, et le supérieur 160. Les deux derniers ont un peu plus de largeur que le premier. Une eau limpide et claire remplit ces trois bassins qui ressemblent à trois lacs. Près du bassin supérieur est la fontaine qui donne toute cette eau. C'est le Fons Signatus. Cantique 4, 12. Un aqueduc, dont on voit les restes, conduisait cette eau à Jérusalem, où elle était consacrée au service du temple. Un grand bâtiment carré, en guise de fort, semble établi là pour la défense de cette fontaine et de ses bassins. On fait remonter sa construction au temps de Saladin. Dans ce lieu existait jadis un palais de plaisance que Salomon habitait quelquefois avec ses nombreuses femmes. Un chemin direct, probablement aussi ancien que les réservoirs, conduit à Jérusalem. Nous le prîmes, non sans émotion, en songeant que ce grand roi, quand, de son palais de Sion, il se rendait à ce lieu de délices, marchait sur ces mêmes pierres. Que de siècles écoulés depuis lors. Chapitre 21, dernier regard jeté sur Jérusalem et retour. Nous olâmes, le 25 octobre, jeter nos derniers regards sur Jérusalem. Jusque-là je n'avais rien examiné de tout ce qu'on peut voir le long du chemin qui y conduit. En le parcourant, mes pensées avaient toujours été portées vers la cité sainte. Arrivé sur la hauteur, en sortant de Saint-Jean, Aïn el Abis, nous vîmes à droite le désert de Saba, sur les montagnes à gauche, le château et le tombeau des Maccabées, ces derniers défenseurs de la nationalité juive, plus loin, et à peu de distance de Jérusalem, le couvent de Sainte-Croix, auprès duquel est un bouquet d'olivier, c'est là où l'on prit l'arbre dont on fit la croix du Christ. Arrivant près de la ville, nous la trouvâmes à droite, comme la première fois, et nous nous rendîmes à la grotte de l'agonie, que nous n'avions pas encore vu en dedans. Le curé de Jérusalem devait venir nous l'ouvrir et y dire la messe. Nous descendîmes dans cette grotte par 5 ou 6 marches qui sont dans l'angle gauche. Près de son milieu est un morceau de roc qui fait l'office de pilier, pour soutenir la voûte qui est maçonnée. À son entrée, probablement pour agrandir la grotte et permettre de la fermer, dans quelques excavations latérales, sont mises des planches peintes qui représentent les apôtres dans les positions que l'Évangile leur donne pendant l'agonie, et à l'arrivée des Juifs conduits par Judas. L'autel est au fond de la grotte, du côté opposé à l'entrée. Nous assistâmes au sacrifice non sanglant, là où le Sauveur se prépara à cette mort si douloureuse qui devait délivrer le monde. Je dois renoncer à exprimer ce qui se passait dans mon cœur. Il est des impressions, des sentiments qu'aucune langue ne peut rendre. L'âme les sent sans même songer à s'en rendre compte, elle est absorbée. Au sortir de là, nous parcourûmes la vallée de Josaphat, en suivant le torrent de Cédron. On ne voit à droite et à gauche que des sépulcres. Les plus remarquables sont ceux dits d'Absalom, de Zacharie et de Josaphat. Le premier et le troisième sont séparés du rocher dont ils ont fait autrefois partie. Un espace de quelques pieds de largeur permet d'en faire le tour. Quatre colonnes, sur chaque face en trois quarts de saillie, entourent le carré qui renferme l'intérieur du tombeau. Le premier se termine ensuite en entonnoir renversé, et le troisième en pyramide carrée. Le sépulcre du milieu présente seulement une façade taillée dans le rocher, formée de quatre colonnes élégantes, surmontées d'une corniche. Derrière ces colonnes est un espace vide où se trouve l'ouverture du tombeau creusé dans le rocher. Plus loin, nous arrivâmes à la fontaine de la Vierge, vers laquelle on descend par 24 marches. Quelques toises plus avant est la communication de la vallée du Géhennon, Géhenninum, qui entoure le mont Sion, avec celle de Josaphat. Dans cette vallée du Géhennon sont la fontaine et les piscines de Siloé. La vallée de Josaphat se termine là par un autre petit vallon bien vert, bien riant, à côté du village de Siloé. Quelle opposition avec la vallée qui précède! Nous fîmes ensuite nos adieux à Jérusalem, et, le cœur rempli de souvenirs que nous garderons toute la vie, nous regagnâmes notre couvent de Saint-Jean. Marc M. Dan, archive.org, licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale. Partage à l'identique.